lune se lève sur l'Orénoque, comme sur la lagune de Phénix. Son bateau flotte à l'aventure, loin des jungles d'asphalte et des machines à sous. Fils d'une putain andalouse et d'un skipper anglais, il a les yeux noirs des gitans et porte une casquette de marin. Il a pris la route à bord d'un vieux rafio. Il n'allait pas chercher fortune, mais voir ailleurs s'il y était. Les belles fleurissent sous les fleurs d'oranger. Le rhum de Cuba est plus doré que l'or. De la Barbade à Bahia, il promène son cigario. Fixe le cangacero l'a appelé à son secours. Il a quitté Bouche Dorée avec un sourire silencieux. Quand les tueurs sont venus de New York pour lui faire la peau, il leur a brûlé la politesse à coups de revolver. La lune se lève sur l'Orénoque, sur la lagune de Venise. Les jungles d'asphalte et les machines à sous envahissent la terre et la mer. La lune brille sur l'Orénoque comme sur la lagune de Venise. Bouche Dorée, sa belle amie, l'attend au débarcadère.